Préparer se dit préparare. Donc, si vous voulez dire je prépare, préparo. Préparo. Et je le prépare. Je ne sais plus. Alors, comment disiez-vous je le prends? Lo prendo. Lo prendo, c'est ça. Alors, je le prépare, ça sera lo preparo. Voilà, lo preparo. Et je ne le prépare pas? Non lo preparo. C'est ça, non lo preparo. Bon, maintenant, comment dit-on avoir? Avere. Avere. J'ai se dit ho, tout simplement H-O. Ho. Donc, si j'ai se dit ho, comment dit-on vous avez? A. A. H-A. A. Dites-moi alors, est-ce que vous avez quelque chose pour moi? A cosa? Ce que vous venez de dire, c'est « est-ce que vous avez chose ?» Mais je vous ai demandé de dire « est-ce que vous avez quelque chose ?» A qualcosa? A qualcosa pour moi. Permet? Permet, c'est ça. A qualcosa per me? Et comment diriez-vous « qu'est-ce que vous avez pour moi ?» Che cosa? Che cosa ha per me? Voilà, che cosa ha per me? Si vous voulez dire j'ai faim, c'est presque pareil en italien qu'en français. J'ai se dit ho et faim se dit fame. F-A-M-E. Fame. Fame. C'est faim. Donc, j'ai faim se dit ho fame. Ho fame. Alors, pour dire avez-vous faim? Affamé. Affamé. Et maintenant, voulez-vous manger quelque chose? Avez-vous faim? Comment dit-on voulez-vous manger quelque chose maintenant? Voulez. Voulez? Voulez mangiare quelque chose? Qualque? Qualcosa? Maintenant. Ora. Mm-hmm. Voulez mangiare qualcosa ora? Dites maintenant, avez-vous faim? Affamé? Affamé? Oui. Voulez mangiare qualcosa ora? A fame? Et maintenant, vous ne voulez pas manger? Vous n'avez pas faim? Non vuole mangiare. Non vuole mangiare? Et vous n'avez pas faim? Comment dites-vous ça? Ah, non ho. Non ha fame. C'est ça, mais la voix monte dans les questions. Non ha fame. Non ha fame. Oui, il faut bien se servir de l'intonation pour poser une question en italien. Non ha fame. Boire se dit bere. B-E-R-E. Bere. Je bois, c'est bevo. Ce verbe vient de la forme ancienne bevere. C'est le même V qu'on retrouve dans « je buvais »,« vous buvez » ou « en buvant ».« Je bois », c'est donc « bevo ». Et « vous buvez » ?« Beva ». Attention, ce n'est pas un verbe en « are ».« Beve ».« Beve ».« Beve ». Et que buvez-vous ? « Che cosa beve ». C'est ça, « che cosa beve ». L'expression « che cosa » exprime déjà en elle-même une question, donc l'intonation n'a pas beaucoup d'importance. « Che cosa beve ?» ou « Che cosa beve ?» L'équivalent de soif en italien, c'est sete. S-E-T-E. Sete. Dans ce cas, j'ai soif se dit ho sete. Ho sete. Ho sete. Et comment dites-vous j'ai soif et je veux boire? Ho sete e. Eh oui, vous avez bien deviné. C'est e comme en français, mais ça s'écrit e tout simplement. Il n'y a pas de t. Dites-moi maintenant je veux. Voglio. Oui. Boire. Bere. Voilà. Ho sete e voglio bere. J'ai soif et je veux boire. Il faut faire attention à la prononciation du e, qui s'écrit sans accent quand il veut dire e, et, comme c'est le cas ici. Lorsqu'il y a un accent grave, c'est une forme du verbe être, comme dans il est italien. Dans ce cas, il se prononce comme il s'écrit. Est. Maintenant, comment diriez-vous « voulez-vous parler italien avec moi ?» Voulez. Oui. Et comment dites-vous « parler italien avec moi ?» Voulez parlare italiano per con me? Con me, oui. Con veut dire avec. Con me, avec moi. Donc, vuole parlare italiano con me? Et comment diriez-vous que mangez-vous? Che cosa mangia? Che cosa mangia? Faire se dit fare. Fare. F-A-R-E. Encore une fois, c'est un mot qui ressemble beaucoup au français. Faire, fare. Dites-moi alors, que voulez-vous faire maintenant? Che cosa? Che cosa? Cosa fa? Non, non. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous? Che cosa vuole fare ora? C'est ça. Che cosa vuole fare ora? Dites maintenant. Voulez-vous le faire? Vuoi farlo? Répétez s'il vous plaît. Vuole farlo? Oui, très bien. Vuole farlo? On accroche tout ensemble, en un seul mot. Farlo. F-A-R-L-O. Farlo. Comment diriez-vous maintenant? Pourquoi ne voulez-vous pas le faire maintenant? Perché non vuole... je l'ai bien dit? Vuole? Oui, oui. Vuole. Perché non vuole farlo ora? Voilà, oui. Perché non vuole farlo ora?